qu'il y a du signal sur ta voix? Est-ce que tu dis des trucs comme ça? Est-ce que tu vois un signal quelconque? Tu verras. My name is Youssef. Youssef, you're the best. Psy and Tillover for the rest of, évidemment aussi. Aussi Jay et Flo, même si on t'entend plus Flo, qu'est-ce que t'as fait? T'as débranché ton micro? Tu t'entends dans tes oreilles? T'as mis ton casque? Tu vois du signal dans X-Meet? Tu vois dans Ninjam, il y a X-Meet. Il faut avoir coché la case, mais à mon avis elle était cochée tout à l'heure, on t'entendait. Et puis après, il faut qu'il y ait du signal dans X-Meet et puis aussi dans ton master de fin. Si t'as fait ça, normalement, ça devrait marcher. Pardon. Je vais appuyer sur la case magique pour me faire pardonner. Non, pour me faire haïr. Attention. Attends, mais c'est pas ça. Oui, c'est lui. Oh, on va faire autre chose. Vous êtes prêts? Non, c'était bien quand même. On change. Fa majeur ?